jours où une femme a tous les courages de l'amour. Pour pardonner comme toujours, et de silence en tumulte, j'ai appris le goût qu'avaient mes pleurs. Parler mon cœur. C'est toi que j'aime.